Chapitre 15e, une soirée chez Lady Ongar. 10 jours après sa visite d'Ormond Street, Harry reçut le billet que Lady Ongar lui avait écrit le soir de son arrivée à Londres. Il lui fut remis à son bureau par le domestique de Lady Ongar dans la matinée. Harry s'empressa d'y répondre et de promettre à Lady Ongar qu'il se rendrait chez elle conformément à son désir. La lettre qu'elle lui avait écrite commençait par les mots « Cher Harry ». Il se rappela aussitôt qu'en lui écrivant auparavant, elle l'avait appelé « Cher Monsieur Clavering ». Cette lettre ne contenait que 2 lignes. Pourtant, elle lui parut affectueuse, pour ne pas dire aimante. Il fallait qu'elle eût un vif désir de le revoir, puisqu'elle lui écrivait ainsi, aussitôt après son arrivée. « Cher Lady Ongar, lui répondit-il, « je dînerai ce soir à mon club, et vers 8 heures, je serai chez vous. Tout à vous, H.C. » Cet incident l'agita au point qu'il put à peine travailler de toute la journée. Depuis son entrevue avec Sophie Gordeloup, il avait fait bien des réflexions sur lui-même. Il avait résolu de travailler avec plus d'ardeur et d'aimer Florence d'un amour plus dévoué qu'auparavant. Comme l'amour était chose plus facile que le travail, il se mit dès le lendemain à écrire une longue lettre à Florence, qui était encore au presbytère de Clavering, une lettre si longue et si affectueuse que Florence, dans de l'excès de sa joie, la fit lire à Fanny, qui lui avouait que, pour une lettre d'amour, elle ne laissait rien à désirer. « Malgré tout, reprit Fanny, tout cela n'est que folie et mot en l'air. Il n'en est rien, dit Florence. Et puis quand même, qu'importe. Cette lettre est-elle sincère? Voilà pour moi la question. » « Je suis sûr qu'elle est sincère, dit Fanny. Et moi aussi, dit Florence. Je n'ai pas besoin qu'on m'en assure. Eh bien, pourquoi me l'avez-vous demandé? Nièce que vous êtes? » Ce gros mot n'effrayait pas Florence, qui, aussitôt qu'elle s'entendait appeler ainsi par Fanny, lui passait les bras autour du cou et l'embrassait tendrement. Quant au travail, Harry tint sa résolution aussi avec une fermeté rare et réussit presque à comprendre quelque chose au plan qu'il étudiait. Pendant quelques semaines, il resta au bureau jusqu'à 4h30 chaque jour et s'en alla avec Theodore Burton, dînant quelquefois dans sa famille et allant souvent passer la soirée à Hounslow Crescent. Là, il se mettait à lire en silence, et un jour, Cecilia Burton, ayant voulu lui parler, il la pria de ne pas lui faire perdre son temps, sur quoi Théodore partit d'un éclat de rire, et Cecilia reprit que trop d'application lui alourdirait la tête, ce qui provoqua de nouveau l'hilarité de Théodore. Celui-ci, ainsi interrompu dans son travail, en profita pour étendre les bras et les jambes et se remit à l'œuvre. Quelquefois, dans ces cas-là, on menait Harry dans la nurserie, à l'étage supérieur, pour les faire voir les babies dans leurs chemisettes. Et pendant qu'il était là, debout, les regardant avec leur mère, celle-ci faisait quelques gentilles et souriantes allusions à Florence et à sa future vie conjugale, et leur conversation se prolongeait gaie comme les sons d'une cloche de mariage. Mais le matin du jour où Harry reçut le billet de Lady Ongar, l'ardeur laborieuse de Harry subit un notable ralentissement. Il griffonna sur son papier brouillard et ne comprit absolument rien aux matières qu'il étudiait. C'était le jour où il devait écrire à Florence, et il le fit. Mais ce fut une lettre que Florence ne montra pas à Fanny. Elle était courte et insipide. Harry lui disait qu'il était accablé d'ouvrage et qu'il avait mal à la tête. Dans un post-scriptum, il l'informait qu'il allait ce soir-là rendre visite à Lady Ongar. Il crut devoir lui faire part de cet incident, et je crois même qu'en ce faisant, il soulagea véritablement sa conscience. Il quitta son bureau peu après 3 heures, après s'être persuadé qu'il avait mal à la tête, et s'achemina rapidement vers son club. Il y trouva des gens qui jouaient au whist, et croyant qu'une partie de whist guérirait son mal de tête, il se mit à jouer. Il perdit, on lui reprocha de jouer mal, et dans son dépit, il sortit faire un tour. En suivant Piccadilly, il aperçut Sophie Gordeloup venant de son côté, trottinant, relevant sa jupe bien au-dessus de la cheville, vive, alerte, et à ce qu'il pensa, évidemment en train de mal faire. Il voulut l'éviter en prenant Burlington Arcade, mais elle le devina et s'engageant dans le même passage, fut à ses côtés avant qu'il eût pu trouver un moyen sûr de lui échapper. « Ah, Monsieur Clavering, je suis aise de vous voir. J'ai vu Julie hier soir. Elle était fatiguée, accablée, et fait du voyage et des tracas des affaires. Mais elle est encore si belle. Nous avons parlé de vous, oui, Monsieur Clavering. Et je lui ai dit que vous aviez eu la bonté de venir me voir. Elle a dit que vous avez toujours été bon. Elle l'a dit vraiment. Quand irez-vous la voir ? Harry s'entendait mal à compter des mensonges. Il ne savait pas non plus laisser une question sans réponse. En pareil cas, il ne voyait d'autre moyen de s'en tirer que de dire la vérité. Il préférait de beaucoup ne pas dire qu'il allait ce soir même dans Bolton Street, mais il n'apercevait pas d'autre alternative. « Quoique j'irai la voir ce soir, » dit-il en essayant d'atténuer l'inconvénient de cette communication par la forme dubitative qu'il lui donnait. « Il y a des gens qui mentent de si mauvaise grâce et avec si peu de tact qu'il ferait aussi bien de ne pas s'en mêler. Non seulement ils ne réussissent jamais, mais ils ne comptent même pas sur le succès de leur menterie. « Ah, ce soir !» reprit-elle. « Voyons un peu. Non, je ne pense pas pouvoir aller ce soir. Madame Bernstorff reçoit à l'ambassade. « Adieu, » dit Harry, prenant la rue où demeurait son barbier. « C'est fort bien, » se dit Sophie tout bas. « C'est cela, cela vaudra mieux, beaucoup mieux. Ce n'est qu'un sot. Mon Dieu, quels idiots que ces Anglais !» Et tout en continuant ce monologue, elle continua seule sa course dans le passage. L'entrevue de Harry chez son barbier n'avait probablement pas été motivée par sa visite du soir. Mais il s'était réfugié dans la boutique comme un renard pourchassé dans le premier trou qui se présente. Il se fit coiffer néanmoins, et trouva même qu'il n'en avait que meilleure tournure. Puis il retourna dans son club, et au moment où il entrait dans la salle de jeu, un vieux monsieur le regarda de travers, comme pour lui demander s'il venait faire encore quelques sottises. « Non, merci, je ne veux plus jouer ce soir. » Et le vieux monsieur, apaisé par cette assurance, lui offrit une prise de tabac. Puis Harry quitta la salle pour aller dîner. Il était un peu plus de 8 heures quand il frappa à la porte de Lady Ongar. Probablement il s'était dit que s'il était exact à la minute, elle penserait qu'il attachait une grande importance à l'objet de sa visite. Sans doute cette démarche était importante pour lui. Et il désirait qu'elle le pensât ainsi. Mais il y a des degrés en toute chose, et il s'arrangea de façon à être de 20 minutes en retard. Il n'était pas le premier qui eût calculé l'avantage diplomatique qu'il y a à se trouver en retard. Néanmoins, tous ses calculs lui sortirent de la tête quand il vit Lady Ongar s'avancer au-devant de lui, presque jusqu'au seuil de la porte, le prendre par la main et lui dire qu'elle était heureuse de le voir, extrêmement heureuse. « Le croiriez-vous ? » dit-elle. « Je n'ai pas vu une seule figure amie depuis notre dernière entrevue. Vous ne sauriez croire combien cela me paraît dur. »« C'est bien triste, » dit-il. Et quand il sentit presser sa main, et quand il vit ses yeux animés d'un vif éclat, qu'il sentit le frôlement de sa robe de soie en se rendant avec elle au salon et qu'il se sentit pénétré par une magique et irrésistible influence, alors il oublia tous ses calculs et n'éprouva plus qu'un seul désir, celui de se mettre entièrement à son service. Naturellement, ce dévouement à Lady Ongar ne devait en aucune façon nuire à l'attachement qu'il avait juré à Florence Burton. Cette réserve mentale fut faite à la hâte et au milieu d'une certaine confusion d'esprit. « Oui, » reprit-elle, « c'est une dure position que la mienne. Harry, je crois parfois que je vais en devenir folle. Je ne puis plus y tenir. Je le supporterais s'il y avait eu de ma faute, si j'étais coupable, mais... » Cette explosion soudaine prit Harry par surprise. Assurément, les malheurs de Lady Ongar étaient le résultat de ses fautes. Il se l'était dit 1000 fois, bien qu'il n'eût aucune envie de le lui dire. « Calmez-vous, » lui dit-il, « c'est l'effet des souffrances que vous avez endurées. « Vous n'en êtes pas remise encore. L'avenir s'éclaircira peu à peu. Le croyez-vous ? Ah, j'en doute fort. Mais venez, Harry, venez vous asseoir et prendre un peu de thé. Je ne fais pas de mal, j'aime à le croire, en vous faisant venir ici. Qu'en dites-vous ? Pas de mal, dites-vous, Lady Ongar ? Oui, pas de mal, ai-je dit. » Et en répétant ces mots, elle se mit à sourire et prit cette expression qu'elle avait autrefois quand elle voulait paraître aimable et gaie avec lui. Il est difficile de dire ce qu'une femme peut faire et ce qui lui est interdit. Quand mon mari était malade et mourant, je n'ai jamais quitté son lit de mort. À partir du jour où je l'ai épousé, jusqu'à sa mort, je n'ai presque jamais parlé à aucun homme, excepté en sa présence, et quand le contraire m'est arrivé, c'est qu'il s'était arrangé pour cela. Et malgré tout, le monde m'a condamné et m'a tourné le dos. Vous et moi, nous avons été de bons amis, Harry, et même mieux que cela, n'est-ce pas ? Mais je vous ai rejeté, comme vous avez eu un jour la cruauté de me le dire. Dieu sait quelle haute opinion j'ai conçue de vous, quand vous m'avez dit que j'étais une coquette. Les hommes ne savent pas ce que c'est que les femmes, sinon ils se montreraient plus durs à leur égard. Mais je n'ai jamais eu l'intention de me montrer dur pour vous. Eh bien, je vous le déclare. Si alors vous m'aviez accablé d'injures et m'eussiez déclaré que vous ne souffririez pas ma perfidie, je vous aurais cédé, je l'affirme et j'en suis assuré. » Harry se prit à penser à Florence et put à peine regretter ce qui s'était passé. « Mais, continua-t-elle, qu'auriez-vous fait, Harry ? J'étais perfide à votre égard, et j'étais folle d'épouser cet homme. Mais aurais-je mieux fait de vous épouser et de causer ainsi votre malheur ? Vous le savez, c'eût été causer votre malheur, et nous n'eussions fait qu'une folie. » « C'eût été une agréable folie, » répondit-il. « C'est vrai, » dit-elle, « je ne le nierai pas. Mais ensuite, la sagesse et la prudence auraient recouvré leurs droits. Oh, Harry, croyez-moi, c'eût été une folie, ni plus ni moins. Mais qu'est-ce que je disais donc ? Je vous demandais s'il n'y a de ma part aucune inconvenance à vous recevoir ici. Il est si difficile de savoir ce qui convient et ne convient pas. Comme j'étais marié, je suppose que je puis recevoir chez moi qui bon me semble. « N'est-ce pas là la règle ?»« J'ai tout lieu de croire que vous pouvez me recevoir. Votre sœur est la femme de mon cousin. » Cet argument personnel produisit son effet et donna ensuite une autre direction aux pensées de Lady Ongar. « Ma sœur, avez-vous dit Harry, s'il n'y avait d'autre motif pour nous rapprocher que notre parenté par l'intermédiaire de Sir Hugh Clavering, je crois que je me soucierais peu de vous voir. Quelle lâcheté il a montré à mon égard, quelle cruauté. C'est vrai. » « Il a été cruel, » dit Harry, et il se mit à songer à Archie et au projet de ce dernier. « Mais, » continua-t-il, « il veut changer de ton à votre égard. Hermione m'a prié l'autre jour d'employer mon influence pour vous faire aller à Clavering. Seriez-vous venu ici par hasard pour employer votre éloquence à cet effet ?»« Je ne veux de ma vie retourner à Clavering, Harry, à moins que la maison ne vous appartienne et que votre femme ne consente à m'y recevoir. » Dans ce cas, je m'empresserai de me rendre dans cette chère, vieille, morne et imposante résidence, fussé-je à l'autre extrémité de l'Europe. Elle ne m'appartiendra jamais, probablement non, et dans ce cas, je ne la reverrai plus jamais. Non, je ne saurais pardonner une insulte comme celle qui m'a été faite. Je n'irai jamais à Clavering. Ainsi, Harry, ne vous mettez pas en frais d'éloquence. Je serai heureux de voir Hermione toutes les fois qu'elle voudra venir me voir. Si vous pouvez la décider à venir, ce sera une bonne œuvre que vous ferez. Vous le savez bien, elle ne va nulle part sans sa permission, voulez-vous dire, je le sais de reste. Et c'est un tyran tel qu'il ne lui accordera jamais sa permission. Il est dans le cas de lui dire que la compagnie de sa sœur est compromettante pour elle. Il n'est pas possible qu'il tienne ce langage à présent, puisqu'il vous a invité chez lui. Ah, vraiment ? Je ne m'attendais pas à cela. Il dirait tantôt une chose, tantôt l'autre à sa convenance. Il a quelques projets en vue, je le suppose, quand il m'invite à me rendre chez lui. Harry savait quel était ce projet, mais il était trop discret pour trahir le secret d'Hermione. Et bien qu'hostile au projet d'Archie Clavering, il s'abstint de répondre. « Je n'irai pas, » reprit-elle. « Je ne veux ni le voir ni aller chez lui quand il viendra à Londres. Savez-vous quand il doit venir, Harry ? Il est déjà en ville à cette heure-ci. Quel aimable mari ! Qu'en dites-vous ? Et quand Hermione doit-elle venir ? Je l'ignore, elle ne me l'a pas dit. Son enfant est malade. C'est peut-être ce qui la retient. S'il en est ainsi, Harry, il n'est pas impossible que je me rende à Clavering, si toutefois la maîtresse de la maison veut me recevoir. N'en faites rien, Lady Ongar. Ah, ça ! Est-ce que vous voulez tuer tous mes parents pour me faire hériter de leur fortune ? Vous n'y réussirez pas. Savez-vous que Archie veut se marier et compte avoir 12 enfants au moins ? Archie veut se marier. Mais qui donc voudrait de lui, à moins que ce ne soit une cuisinière ? Archie est l'esclave de Hughes, et Dieu sait qu'elle est esclave. Hughes en a 2, la pauvre Hermione en est 1. Heureusement, il n'aime pas la voir auprès de lui. Tenez, voici le thé qui arrive. Asseyons-nous, mettons-nous à notre aise, et ne parlons plus de notre affreuse parenté. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis à en parler. Je n'en avais nulle intention. Harry s'assit et reçut sa tasse de ses mains, car elle avait ordonné au domestique de laisser le plateau sur la table. « Vous avez vu le comte de Pateroff, n'est-ce pas ? » lui dit-elle. « Oui, et sa sœur aussi. » Elle me l'a dit. « Que pensez-vous de ces gens-là ? » « J'ai encore quelque chose à vous dire, » reprit-elle, « et c'est même ce dont je tenais surtout à vous informer. Je ne l'ai pas revu depuis le jour de notre séparation à Florence. « J'ignorais cela, » dit Harry. « Je croyais vous l'avoir dit. C'est l'exacte vérité. Maintenant, écoutez-moi. Il est venu l'autre jour à Ongar Park, pendant que je m'y trouvais, et m'a envoyé sa carte. Comme je refusais de le recevoir, il m'écrivit une lettre pressante. Je refusais de nouveau. Il m'écrivit une seconde fois, je brûlais sa lettre, ne voulant rien avoir qui vint de lui. Il me parlait de certains papiers de Lord Ongar. Mensonge que tout cela. Peu m'importe les papiers de Lord Ongar. Tous ceux que j'ai trouvés ont été scellés devant le comte et devant moi, et puis envoyés aux hommes de loi. Je n'en regardais aucun. Je n'en lus pas une seule ligne. Que pouvait-il avoir à me dire au sujet des papiers de Lord Ongar? Il aurait bien pu vous l'écrire. En tout cas, il n'aurait pas dû venir me trouver. Je refusais de le voir, et si cela dépend de moi, je ne le reverrai plus. Je serai franche avec vous, Harry. Probablement, il ne lui déplairait pas que je consentisse à devenir sa femme. Mais cela ne saurait me convenir à moi. La crainte de la calomnie ne me fera pas épouser un homme, parce qu'autrefois il a passé pour mon amant. Si je ne puis échapper à la calomnie qu'en l'épousant, tant pis, mais je ne l'épouserai pas. Vous a-t-il parlé de ses intentions? Il n'en a pas dit un mot. Je ne l'ai pas revu depuis le jour qui suivit les funérailles de Lord Ongar, mais j'ai vu sa sœur. Vous aura-t-elle fait une pareille proposition? Non, elle ne m'a rien proposé. Mais elle parle de ce mariage comme d'une chose possible. Elle dit qu'il ne conviendrait pas. Et quand j'abonde en ce sens avec elle, elle se met à soutenir la thèse contraire. Elle est si rusée et si fausse qu'avec toute ma vigilance, je ne puis venir à bout de la deviner et de pénétrer ses intentions. Je ne sais pas même si elle désire ce mariage. Elle m'a dit qu'il ne saurait avoir lieu. Ah, vraiment, elle vous a dit cela? Si jamais elle en reparle, dites-lui qu'elle a raison et que c'est chose impossible. S'il n'était pas venu à Ongar Park, je ne vous aurais pas parlé de cela. Je n'aurais même jamais pensé qu'il nourrit de tels projets dans la tête. Il ne vous a pas dit qu'il était venu me voir? Il ne m'en a pas dit un mot. À vrai dire, il ne m'a guère parlé de vous. Je le crois aisément. Il est plein de prudence. Il ne s'exprime jamais sur les gens qu'avec une extrême réserve. Il ne parle que de choses indifférentes. Maintenant, Harry, voilà le service que j'ai à vous demander. Et en lui parlant, elle se penchait sur la table, le front appuyé sur ses deux mains. Son petit bonnet de crêpe était ainsi rejeté en arrière, laissant voir dans tout son éclat sa belle chevelure brune, abondante et soyeuse, comme au temps de sa jeunesse. Cela était-il un calcul de sa part? S'était-elle dit que, tant qu'elle aurait sur elle les signes de son veuvage qui rappelaient trop vivement son passé, Harry n'oserait pas lui faire l'aveu de son amour? Elle était veuve, mais elle ne ressemblait pas aux autres veuves. Elle avouait franchement le tort qu'elle avait eu en épousant Lord Ongar, mais cet aveu même la dispensait de témoigner aucun regret de sa mort. Quand elle disait tout haut combien elle avait haï et méprisé cet homme, cela équivalait à quitter le deuil. Aussi, ses vêtements sombres lui étaient-ils insupportables. C'était de sa part un sacrifice fait aux exigences du monde, et c'est pourquoi elle avait naturellement rejeté en arrière sa coiffure de deuil. « Le service que je vous demande, continua-t-elle, est celui-ci. Il faut que vous voyiez le comte Pateroff encore une fois, et que vous lui disiez de ma part, comme étant mon ami, que je ne puis consentir à le voir. Dites-lui que s'il veut y réfléchir, il en devinera facilement la raison. Sans doute, il la comprendra. Répétez-lui exactement ce que je vous dis, et ajoutez que j'ai eu jusqu'ici lieu de lui savoir gré de ses bons services, et que j'espère bien qu'aucun acte malveillant de sa part ne viendra changer ma reconnaissance en un autre sentiment. S'il a en main des papiers de Lord Ongar, il fera bien de les porter chez mon avoué, si c'est à propos, ou chez celui de la famille. Pouvez-vous lui dire tout cela? Oui, certainement, je le puis. Et cela vous contrarie-t-il de le lui dire? Non, en ce qui me regarde. Mais ne vaudrait-il pas mieux que la chose lui fût dite par une autre personne? Parce que vous êtes trop jeune, voulez-vous dire. Mais à quelle autre personne puis-je me fier, Harry? À qui m'adresser? Voulez-vous que j'aie pris Hughes de me rendre ce service? Peut-être croyez-vous que je pourrais charger de cette commission Archie Clavering? Sa sœur ne pourrait-elle pas lui transmettre vos paroles? Comment saurais-je si elle les lui a répétées? Elle lui raconterait les choses à sa manière, comme elle les désire, et puis, quoi qu'elle pût dire, il ne la croirait pas. Ils se connaissent mieux entre eux deux que ni vous ni moi ne les connaissons. Il faut que ce soit vous, Harry, qui me rendiez ce service. Eh bien, je le ferai. Je tâcherai de le voir demain. Où demeure-t-il? Qu'est-ce que j'en sais? Personne peut-être ne le sait. Personne du moins de ceux qui le fréquentent. Ils ne vivent pas comme chez nous, vous le savez, ces étrangers. Cependant, vous le trouverez à son club, où vous apprendrez de sa sœur où il faut le chercher. Vous me le promettez, Harry, n'est-ce pas? Je vous le promets. Je reconnais là, mon bon Harry. Je crois que vous feriez tout ce que je vous demanderais. Ah, on est heureux d'avoir un ami, si l'on n'en a pas davantage. Voyez un peu, Harry. Il est près de 11 heures. Savez-vous que nous sommes à causer depuis près de 3 heures, et je ne vous ai donné que du thé. Et que pensez-vous donc qu'il me fallut? À votre club, vous aurez eu des cigares, un grog, des côtelettes, des huîtres, un billard et des flots de bière. Je sais ce qu'il en est. Vous avez eu bien de la patience avec moi. Si vous vous dépêchez un peu, vous arrivez encore à temps. Partez vite. Je vais partir, mais je n'irai pas au club. On ne peut pas ainsi passer soudainement d'un ordre de pensée à un autre. Eh bien, gardez vos pensées si vous voulez. Songez un peu à moi et plaignez-moi. Plaignez-moi d'avoir acquis ce que je possède, mais plaignez-moi surtout pour tout ce que j'ai perdu. Harry, sans dire un mot de plus, prit sa main, y déposa un baiser et s'éloigna. La plaindre pour ce qu'elle avait perdu. En répétant ces dernières paroles, il se demandait ce qu'elle avait voulu dire. Qu'avait-elle perdu? Lui et son amour. Voulait-elle faire appel à sa pitié pour cette perte? Sans doute, elle l'avait perdu, et il ne lui appartenait pas de dire si cette perte était oui ou non regrettable. Mais enfin, il était perdu pour elle. Il appartenait désormais à Florence Burton, et quoi qu'il arrivât, il entendait lui rester fidèle. Peut-être bien se prenait-il aussi lui-même en pitié. Avant de se coucher, pendant qu'il faisait sa prière à genoux au pied de son lit, il adressa à Dieu une prière spéciale pour qu'il le rendît fidèle à Florence Burton.